je reste sous le châle. Et c'est beau à m'en tirer des larmes sur le fleuve. Se lève le soleil. Je m'émerveille, car tu vois, c'est comme la vie qui monte en moi chaque fois que je reviens là. C'est comme la vie qui monte en moi quand je suis avec toi. Si loin, là où je m'en allais, y avait rien, vraiment rien qui me plaît. Car tu vois, c'est je reviens là, c'est comme la vie qui monte en moi quand je suis avec toi. Comme la vie qui monte en moi ici, c'est comme la vie, je te revois. Comme la vie qui monte en moi ici, c'est comme le soleil.